voir. La la la la la. Elle me demande de l'embrasser. La la la la la la. Et j'étais bien embarrassé. La la la la la. J'ai dit oh oh oh oh oh la la la. J'ai dit oh oh oh oh oh la la la. Alors pour être sûr de toujours bien vous faire comprendre, faites la la la la et tout le monde va vous entendre.